Émission spéciale aujourd'hui consacrée à Stephen Hawking. Né le 8 janvier 1942, soit 300 ans, jour pour jour après la mort de Galilée, Stephen Hawking est mort ce matin à l'âge de 76 ans, le 14 mars, qui est aussi le jour de la naissance d'Albert Einstein. Et oui, un encadrement symbolique puissant pour cet astrophysicien qui aura consacré sa carrière à établir une théorie physique du tout, à tisser un lien entre relativité générale et mécanique quantique, via ses travaux sur les trous noirs, mais aussi sur le Big Bang et l'origine de l'univers. Stephen Hawking était aussi devenu une icône médiatique, image du pur esprit enfermé dans un corps malade. Une brève histoire de Stephen Hawking, c'est ce que nous proposons de vous raconter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les travaux, les apports et parfois les errements de la carrière de Stephen Hawking, parce que comme dans toute carrière, il peut y avoir certains errements, et bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Deruel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, membre du laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris Diderot et professeure affiliée à l'Institut Yukawa de Kyoto. Bonjour Alain Riaviolo. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Et bonjour Marc Lachaiseret. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite CNRS en astroparticules et cosmologie. Vous pouvez évidemment suivre cette émission sur les ondes de France Culture et en parallèle sur notre fil Twitter où nous allons, comme chaque jour, vous mettre un certain nombre de liens vers des études, vers des textes, vers des images ou vers des vidéos qui retracent cette vaste et longue carrière et foisonnante carrière de Stephen Hawking. Et puis pour commencer, eh bien, écoutons-le. Des gens disent que vous êtes un génie. Rubbish. I'm a bit smarter than average, but not exceptional. Sottise, je suis un peu plus malin que les autres, mais je n'ai rien d'exceptionnel. Voilà, tel que Stephen Hawking se définissait lui-même, un peu plus malin que les autres, mais rien d'exceptionnel. Pourtant, quand on est né le jour de la mort de Galilée et qu'on est mort le jour de la naissance d'Einstein, alors si vous n'étiez pas scientifique tous les trois, vous parlieriez de prédestination, peut-être d'une belle coïncidence, Marc Lachaiseret. Oh, les coïncidences, je ne sais pas si on peut y croire. Hein. Vous savez, il y a toute la théorie de Carl Jung qui parle plutôt de synchronicité. Et donc, selon lui, certainement, tout ça aurait un sens. Bon, moi, j'avoue que c'est pas mon cas. Et le hasard, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Ben justement, c'est un peu lié à certains des travaux de Hawking. Le hasard, l'entropie, l'information. Est-ce que l'information peut se créer ou se perdre? C'est lié à la question du hasard. Alors Stephen Hawking disait que l'intérêt que le grand public a commencé à lui porter à partir de la publication d'une brève histoire du temps, c'était en 1988, qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, et bien que cet intérêt provenait en partie de son handicap. Il disait « les gens sont fascinés par le contraste entre mes capacités physiques très limitées et la nature extrêmement étendue de l'univers que j'étudie », puisque Stephen Hawking a été diagnostiqué d'une maladie de Charcot qu'il a pris très jeune pendant ses études à Cambridge. Il y avait quelque chose, finalement, de ce paradoxe qui incarnait Stephen Hawking physiquement, Alain Riaviolo. Oui, ça a fait de lui une icône, quelqu'un qui est beaucoup plus connu que d'autres scientifiques qui eux-mêmes se définiraient comme un peu plus intelligents que la moyenne. Mais c'est bien aussi qu'on a besoin d'avoir des icônes dans toute communauté. Il a été à la hauteur de la notoriété qui a été la sienne. Marc Lachaiseret. Oui, il y a quand même quelque chose d'assez remarquable, c'est que quand il a appris donc sa maladie, qu'il a appris qu'il allait être extrêmement handicapé, eh bien, il a lui-même mis au point une méthode qui allait lui permettre de travailler sans feuille de papier, sans crayon, sans tableau noir. Et nous tous, là, physiciens, théoriciens, mathématiciens, on travaille toujours avec des tonnes de papier. Et je pense qu'avoir réussi ça, c'est-à-dire avoir réussi à toujours rester capable de faire des raisonnements mathématiques sans le support du papier, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, il a eu une action sur, disons, sa méthode, sa manière de penser. Et ça, je suis vraiment admiratif là-devant. Et on en reparlera dans quelques minutes avec Hélène Mialet, qui a précisément, qui est sociologue des sciences et anthropologue, qui a écrit un livre à propos de Stephen Hawking, qui parle justement de la méthode et ce corps collectif qui était constitué par lui, par la machine et par tous les étudiants et tous ses collègues avec qui il travaillait, qui lui permettaient de formaliser précisément ses pensées. Un mot justement sur cette figure un peu médiatique de pur esprit qui a été construit comme si effectivement toutes les théories, tout ce qui sortait était le pur produit de son cerveau sans aucune corporalité. C'est important pour construire ce personnage public qui fait de lui le scientifique, dit-on, le plus connu sur la planète, Nathalie de Ruelle. Oui, je dois dire que ce matin, quand j'ai appris la mort de Stephen Hawking, j'ai été d'abord émue parce que j'avais rencontré la première fois il y a plus de 40 ans. Et en regardant les sites d'information dans le monde entier, il était à la une. Que ce soit au Japon, en Amérique latine, dans tous les médias, il était vraiment à la une. Et je pense que seul Einstein lui-même, à sa mort en 55, a eu le même rayonnement médiatique. Ça, ils ont cela en commun. Et c'est très important, comme le disait Alain Riazuelo, parce qu'avoir des scientifiques de grande valeur qui, en plus, arrivent à communiquer à des milliards de personnes, la beauté de la science, ça mérite le plus grand des hommages. Alain Riazuelo, vous partagez ce point de vue de Nathalie de Ruelle ? Oui, c'est... Il arrive, quand on acquiert une certaine notoriété auprès du public, qu'on suscite des jalousies, des... voilà. Mais le cas de Stephen Hawking, il est complètement à part, puisque il est d'abord un grand scientifique avant d'être une personnalité publique. Et il a eu accès à une notoriété publique pour des raisons dont il se serait sans doute passé, mais il a mis cette notoriété au service de la science. Et ça, c'est quand même signe d'une belle personne. Marc Lachizeret. Oui, et ce qu'il y a d'important qu'il faut sans doute souligner, c'est que Einstein comme Hawking, tous les deux, ont utilisé leur notoriété pour, disons, lancer des cris d'alarme à la société, pour leur dire, attention, il y a des voies d'utilisation de la science qui sont peut-être dangereuses, et bon, avec la bombe atomique et l'énergie nucléaire pour Einstein, avec l'intelligence artificielle pour Hawking. Les robots tueurs. Et il me semble que c'est de la responsabilité du scientifique d'alerter la société de cette manière. Et tous les deux, dans ce sens-là, ont vraiment accompli leur tâche. Vous pensez les uns les autres que l'on peut dire que la puissance conceptuelle de la pensée des travaux de Stephen Hawking est comparable à celle d'Einstein, ou est-ce que c'est peut-être aller un peu vite en besogne? Quand les gens disparaissent, on a tendance à faire des hagiographies un peu enthousiastes immédiatement. Nathalie de Ruelle, qu'en pensez-vous? J'ai comparé Stephen Hawking à Einstein pour sa représentation de la physique et de la science auprès de milliards d'individus. Pour ce qui est de la science, d'abord, je fais pas partie des gens qui donnent des bonnes ou des mauvaises notes à quiconque, mais tout de même, Einstein a bouleversé complètement toute la physique au début du siècle dernier. Stephen Hawking a fait des travaux extrêmement importants, comme nous le verrons ensemble tout à l'heure. Mais c'est un enfant d'Einstein. Un enfant d'Einstein, c'est une définition qui vous convient, Marc Lachizeret, Alain Riazuelo? Oui, c'est exactement ça. Il a prolongé des travaux que lui-même n'a jamais prétendu être capable d'avoir inventé, comme l'a fait Einstein. Et en même temps, il a travaillé sur des questions que Einstein se posait déjà. C'est-à-dire, depuis un siècle, les physiciens, à la suite d'Einstein, cherchent à harmoniser la physique quantique et la relativité. Et la plupart, la relativité, c'est-à-dire la théorie de la gravitation, et la plupart des travaux de Hawking se situent dans ce cadre. Il n'a pas non plus résolu le problème, personne ne l'a résolu aujourd'hui, mais ses contributions sont certainement décisives pour la réflexion qui a toujours lieu en ce moment. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, nous allons donc nous atteler à examiner cet apport scientifique et théorique des travaux de Stephen Hawking, qui au départ voulait être d'ailleurs mathématicien plutôt que physicien, qui va choisir à son entrée à Cambridge de travailler sur les origines de l'univers et sur la théorie de la gravitation. Et alors, Ce qui est intéressant de noter peut-être, c'est qu'à cette époque, bien travailler sur la gravitation, c'est un peu aller à rebours de l'époque, hein, puisque on est à l'époque de l'explosion de la physique des particules, de la physique quantique. Et Feynman disait quelque chose que je trouve intéressant. Il écrivait à sa femme à cette même époque, à la suite d'une conférence sur la gravitation: je n'y apprends rien parce qu'il n'y a pas d'expérience dans ce domaine, il n'est pas actif et peu des meilleurs chercheurs travaillent dessus. Rappelle-moi de ne plus jamais retourner à une conférence sur la gravitation. Richard Feynman. Ouais. Un mot, Marc Lachaiserey, effectivement, travailler sur la gravitation, eh bien, à la fin des années 60, c'est un peu aller à rebours de... Oui, c'est vrai qu'il y a eu une période un petit peu morte pour cette discipline. Bon, après la relativité générale d'Einstein en 1916, qui a été vraiment saluée, après laquelle il y a eu des nombreux travaux théoriques dans ce cadre, eh bien, comme vous l'avez dit, là, on s'est aperçu, on a cru s'apercevoir que c'était quelque chose qui n'avait pas vraiment d'application pratique, concrète, qu'on pouvait pas mener des observations, des expériences. Et donc, ça a été un peu délaissé jusqu'à un renouveau, on peut dire, de l'astrophysique et de la cosmologie. Et juste une petite phrase. Vous mentionniez l'intérêt de Hawking pour les mathématiques, mais ce qu'il a fait et ce que font beaucoup de physiciens aujourd'hui, ce sont presque autant des mathématiques que de la physique, et c'est très dur de faire la séparation entre les deux. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Sir Atiyah, qui est un physicien britannique, qui avait parodié une phrase de Bernard Shaw qui disait « L'Amérique et les États-Unis sont deux pays séparés par un langage commun ». Et lui, il a dit « Les mathématiques et la physique sont deux disciplines séparées par un langage commun ». Et c'est très révélateur, parce qu'à la fois, c'est vrai que les mathématiques sont complètement dans les deux et que ça n'est pas utilisé de la même manière, pas dans le même but non plus. En termes de contexte historique et scientifique, il faut peut-être rappeler aussi, Nathalie Deruel, qu'à l'époque, eh bien, la théorie du Big Bang n'est pas du tout aussi répandue, aussi admise qu'elle ne l'est aujourd'hui, et que les premiers travaux mathématiques justement de Hawking et Penrose vont en partie contribuer à installer en fait cette théorie du Big Bang comme une théorie majeure des débuts de l'univers. Oui, quand Stephen Hawking est arrivé d'Oxford à Cambridge au milieu des années 60, en fait, la période de basses eaux de la relativité générale était sur sa fin. On commençait vraiment une période de renouveau. Par exemple, juste après que Feynman ait fait ses remarques assassines, quelqu'un comme Joseph Weber commençait à vouloir détecter des ondes gravitationnelles. On commençait à trouver des quasars en 1963. Donc l'astrophysique relativiste était en train de naître. Donc Stephen Hawking, comme beaucoup de gens de sa génération, en particulier un de ses exacts contemporains qui est venu travailler en France, qui est Brandon Carter, ces gens de cette génération-là ont participé, ont vu le début de ce qu'on appelait l'astrophysique relativiste. Donc il est arrivé pile au bon moment. Et il a compris que pour décortiquer les équations d'Einstein et voir ce qu'elles avaient dans le ventre, il fallait qu'il... apprennent plus de mathématiques qu'ils ne l'avaient fait auparavant. Et la première partie de sa carrière a été des considérations un peu mathématiques sur la relativité. Avant d'entrer plus en détail sur cette première partie de sa carrière, j'aimerais signaler qu'en 1971, donc peu de temps après qu'il ait fini sa thèse, avec son collègue de toujours Gary Gibbons, il avait fait une proposition pour détecter les ondes gravitationnelles, faire un instrument qu'il voulait mettre l'un et l'autre dans les caves du département de mathématiques appliquées de Cambridge. Tous les deux, à l'époque, n'avaient pas 30 ans. C'était l'enthousiasme de la jeunesse. Et ils avaient été un petit peu dépités lorsque leur beau rapport leur était renvoyé en leur disant que non, ils n'auraient pas l'argent qu'ils demandaient. Et maintenant, l'un comme l'autre, je le tiens de Gary Gibbons, on se sont dit après coup que finalement, heureusement que Sa Majesté ne leur avait pas donné l'argent à eux, mais à Ron Dreever, qui à l'époque était à Glasgow, qui a été un des très grands noms de la détection des ondes gravitationnelles il y a 2 ans. Un mot, Alain Riazuelo, sur cette première partie de la carrière de Stephen Hawking, hein, qu'il parcourt, hein, cette première partie avec son camarade mathématicien Penrose, Robert Penrose d'ailleurs, pas Richard. Roger Penrose, excusez-moi, oui, j'ai écrit Richard, mais c'est parce que dans la foule d'informations, je me suis embrouillé dans les prénoms. Roger Penrose, tout à fait. Quel est ce travail mathématique sur les équations d'Einstein, sur la relativité générale, qui va l'amener à formaliser certaines équations autour des trous noirs, puis autour du trou noir initial, primordial, celui du Big Bang. Alors, en fait, au moment où il s'intéresse à ça, au milieu des années 60, l'intérêt pour les trous noirs est relativement peu important, d'abord parce qu'on n'a pas de preuves observationnelles, et ensuite parce que on ne s'est pas attaché à décrire correctement ces objets qui semblaient être décrits par les équations de la relativité générale, mais dont finalement on n'était pas encore sûr de savoir s'ils existaient. Est-ce qu'il y avait un jeu de conditions initiales qui permettait à ces objets d'émerger dans la nature, et donc il y avait tout un formalisme mathématique qui était encore à mettre en œuvre, et une partie des discussions qui avaient finalement mis la relativité générale dans cette période de faible intérêt étaient liées au fait qu'il manquait en fait des mathématiciens pour rajouter la couche de formalisme nécessaire pour aborder certaines problématiques, certaines questions de la bonne façon. Et donc c'est ça qu'il a fait. Et il faut quand même insister sur le fait que c'est quand même assez courageux quand on est jeune de se lancer dans un sujet qui est pas très populaire. C'est un pari risqué et c'est un pari qu'il a relevé avec brio. C'est-à-dire qu'on peut dire, pour résumer, je parle évidemment sous votre contrôle à tous les trois, que avec Penrose, ils ont tous les deux mathématisé en quelque sorte l'effondrement gravitationnel. Ils ont montré que, au centre du trou noir, il y avait une singularité, que cette singularité était possible, il était possible de la mettre en équation mathématique. Elle était contenue finalement dans les équations d'Einstein. Marc Lachaiseret. Pour les trous noirs, mais aussi pour le début de l'univers, parce qu'on peut d'une certaine manière comparer, bon c'est pas une comparaison exacte, mais ce qui va aboutir à la formation d'un trou noir avec ce qui s'est passé au moment du Big Bang, mais dans le sens inverse du temps. Et dans les deux cas, la théorie de la relativité générale prédit des situations un peu pathologiques qu'on appelle des singularités, qui sont très gênantes parce que on a l'impression qu'il y a des quantités qui vont devenir infinies. Et la plupart des physiciens se demandaient si on ne pouvait pas éviter ces singularités. Et la contribution de Penrose et de Hawking a été de montrer que c'était extrêmement difficile et que, si vous voulez, les biais auxquels on pouvait penser qui auraient permis d'éviter ces singularités, c'est-à-dire des situations qui seraient moins symétriques que les autres, eh bien, ils ont montré que même dans ces cas-là, les singularités étaient inévitables dans le cadre de la pure relativité générale, bien sûr. Et maintenant, on pense que, sans doute, des effets quantiques qui se mêleraient à la relativité générale pourraient être une solution possible, c'est-à-dire que la présence de ces effets quantiques pourrait modifier la théorie de telle manière que on n'a pas ces pathologies, c'est-à-dire que ça se passe mieux. Mais évidemment, on n'est pas encore capable de le dire d'une manière qu'on puisse démontrer, mais les travaux de Hawking ont beaucoup contribué à ces questions-là. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer ce que vient d'expliquer Marc Lachaiseret, Alain Riazuelo, que finalement, Penrose et Hawking ont fini par montrer que, au lieu de se débarrasser de ces singularités qui faisaient tendre toutes les équations à l'infini, il fallait les accepter, les voir, les prendre en considération, et qu'elles définissaient certainement quelque chose de réel qui était un objet astrophysique. Oui, ils ont fait opérer un basculement dans la façon dont on abordait ces objets, c'est-à-dire que la première fois que le concept de trou noir a commencé à être étudié au XXe siècle, finalement les gens ont dit « ça me gêne que la nature engendre de telles bizarreries ». Et un demi-siècle plus tard, la réponse de Hawking et Penrose, ça a été de dire non seulement la nature engendre ce genre de bizarrerie, mais il est inévitable que ce soit le cas. C'est-à-dire que si on veut refuser l'existence des trous noirs, il faut changer les lois de la gravitation. Et il faut les changer d'une telle manière que elles vont permettre à des objets encore plus bizarres que les trous noirs d'émerger. Donc finalement, le trou noir est une sorte de pis-aller à nos phénomènes gravitationnels. Nathalie De Ruel. Oui, on pourrait dire qu'ils ont montré que la nature n'avait pas horreur des singularités. Ouais, c'est ça. En suite de théorèmes mathématiques. Mais je voudrais mettre cette émergence du concept de trou noir dans un contexte un peu plus large, parce qu'à l'époque, il y avait, dans cette période de renouveau de la relativité et la compréhension des trous noirs, plusieurs écoles dans le monde. Et les deux principales étaient l'école de Oxford-Cambridge, celle dont on parle aujourd'hui, et celle de Princeton. C'est John Wheeler qui a lancé le mot « trou noir ». Et cette meilleure compréhension des trous noirs s'est faite aux deux endroits en même temps, en collaboration, parfois en concurrence. L'apport de l'école britannique a été, au début, peut-être une plus grande rigueur mathématique, qui était compensée par l'école de Princeton, plus peut-être d'intuition physique sur les possibilités de voir ça dans le ciel. Et alors, comment passe-t-on finalement de cette formalisation mathématique des singularités hein, au centre des trous noirs, c'est-à-dire l'endroit où la gravitation devient tellement intense que bien tout tend vers l'infini, on va en reparler parce que ça va être important pour la suite et que plus rien ne peut s'en échapper. Et comment est-ce qu'on passe de cela eh bien, à formaliser la singularité initiale, celle qui est à l'origine du Big Bang de notre univers, donc de la création de toute chose. Et bien voilà comment le film qui a été consacré à la vie de Stephen Hawking, A Theory of Everything, la théorie du tout, une merveilleuse histoire du temps, je crois en français, résume le passage de l'un à l'autre. Écoutez. Si Einstein a raison, ou si la relativité générale est exacte, ça veut dire que l'univers est en expansion, d'accord ? Oui. Ok, alors, si on inverse le cours du temps qui passe, alors l'univers diminue. Exact. Donc, imaginons que j'inverse tout le processus jusqu'au départ, jusqu'à voir ce qui se passe au commencement du temps. Au début du commencement du temps ? Oui. Tu vois, l'univers n'arrêterait pas de diminuer, il gagnerait en densité, en chaleur, et nous serions... Tu parles de remonter le temps. Exactement, remonter le temps. Remonter le temps. C'est ce que tu fais, toi. Tu remontes le temps. C'est ce que je fais. Alors, continue. Attends. Il te reste encore un long chemin à parcourir. Continue. Arrête, je vais tomber. Tu dois remonter jusqu'au début du commencement du temps. La route est longue. Remonte encore. Jusqu'à atteindre... Une singularité. Singularité de l'espace-temps. Donc c'est de l'explosion d'un trou noir que l'univers serait né. Continuez. C'est-à-dire, vous voulez que je remonte jusqu'avant le commencement ? Non. Je veux dire pousser le raisonnement mathématique. Voilà la façon dont le film hollywoodien résume hein, cette formalisation mathématique de Stephen Hawking. C'est important. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut résumer à notre tour, à notre façon, ici sur France Culture, est-ce qu'on peut dire, Marc Lachiezeret, que Hawking, d'une certaine façon, est le premier à avoir mis noir sur blanc, formalisé mathématiquement le Big Bang en équation ? Ah, pas du tout. Non, la formalisation du Big Bang, ça date des années 30 et, bon, pour résumer une longue histoire, c'est essentiellement Georges Lemaître et, indépendamment, Alexandre Friedman, qui était un physicien russe, qui ont écrit les équations qui sont solutions de la relativité générale, qui permettent de décrire un univers en expansion. Et Lemaître en a assez rapidement tiré la conséquence que s'il y a expansion, il y a dilution de la matière, il y a refroidissement de la matière, et que donc plus on va dans le passé, plus c'est dense et plus c'est chaud, et que quand on fait les calculs, bah, on voit que apparemment, s'il n'y a pas quelque chose qui l'empêcherait, on arrive à cette singularité qu'on appelait le Big Bang. Et ce quelque chose qui l'empêcherait, ben, on ne l'a pas trouvé. Donc cette singularité semblait inévitable dans le passé, ce qu'ont confirmé ensuite Penrose et Newton. Donc il y a... Penrose et Hawking, absolument. Oui. Et il y a une caractéristique des équations de la relativité générale, que partagent aussi les équations qu'avait écrites Newton, c'est qu'elles sont symétriques dans le temps. Ce qui veut dire que si un phénomène peut se produire, le phénomène inversé dans le temps, en théorie, peut se produire aussi. Et finalement, le Big Bang, c'est pas exactement l'analogue renversé dans le temps de la formation d'un trou noir, mais ça ressemble. Et finalement, d'une certaine manière, il y a une similarité entre les deux. Pas tout à fait, parce que justement, Penrose a porter son intérêt sur les différences entre les deux cas, en termes d'entropie, etc. Mais c'est des situations qui ressemblent. Alors qu'au contraire, la physique quantique, apparemment, elle n'a pas cette symétrie. C'est-à-dire qu'un phénomène qui peut se dérouler selon les lois de la physique quantique, le phénomène inversé dans le temps, apparemment, ne peut pas se dérouler. Et ça, c'est une différence fondamentale entre ces deux théories. Et c'est justement une des difficultés qui est la cause... qui est ce pourquoi on a tant de mal à les harmoniser. Et puis je vais renvoyer évidemment nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée il y a très peu de temps à l'expansion de l'univers, où on expliquait ça très bien et pendant toute une heure entière. Mais Nathalie Dorvel, vous vouliez compléter ce que vient de dire Marc Lachaiserey. Oui, pour conclure peut-être sur cette partie-là, je voudrais mentionner une école des Zouches en 1972. Les Zouches, c'est près de Chamonix. Ça a été une école très célèbre qui a été fondée par Cécile de Witt et une grande amie d'Yvonne Choquet-Bruat, donc de l'école française de relativité. Et en 1972, les deux écoles dont je parlais, de Princeton et d'Angleterre, plus évidemment tous les satellites, se sont retrouvées pour un mois. Et c'est une école qui a été très importante parce que c'est là où c'est vraiment tout s'est cristallisé pour vraiment comprendre tous les aspects des trous noirs classiques, en tout cas. Alors la suite des travaux de Hawking et de Penrose aussi hein, sur les trous noirs, c'est là encore, et c'est intéressant, une position très contre-intuitive, hein, puisque si, on vient de le mentionner à l'instant, un trou noir est la conséquence d'une singularité qui ne laisse plus rien sortir de son champ gravitationnel qui devient extrême, qui devient exponentiel, et bien Hawking va montrer que malgré cela, et bien quelque chose peut, malgré tout, peut-être s'échapper de l'horizon d'un trou noir, une radiation, et ça c'est une position, une expérience de pensée très forte au départ avant d'être des équations mathématiques, Alain Rizulo. Oui, c'est un des résultats les plus surprenants, je dirais, d'un siècle de physique. C'est-à-dire qu'un objet que l'on avait eu du mal à comprendre et dont on s'était convaincu qu'il existait et qui, par définition, ne laissait rien échapper, en fait, Hawking n'a pas tué le père, mais il a montré que la nature était un peu plus subtile que ça, et que quand on injectait difficilement des notions de physique microscopique, puisque c'est difficile de marier les lois de la gravitation avec la physique microscopique, il semblait qu'un trou noir, en fait, s'évaporait lentement, selon le terme, et perdait de l'énergie. Et c'est un résultat qui, plus que tous les autres, a surpris tout le monde à l'époque, même si maintenant, 40 ans plus tard, il est évidemment universellement accepté. Et il s'appelle d'ailleurs le rayonnement de Hawking, que vous allez nous expliquer brillamment tout ce temps que vous êtes autour de cette table. Qu'est-ce qui se passe à l'horizon des événements, hein? C'est la périphérie du trou noir, enfin la limite à partir de laquelle tout ce qui arrive dans le trou noir est absorbé. Qu'est-ce qui se passe pour que, malgré tout, quelques particules puissent s'échapper de cet horizon des événements? Qui veut commencer? Alors c'est difficile de décrire exactement ce qui se passe, parce que quand on est loin du trou noir, tout se passe comme si le trou noir émettait un rayonnement. Donc on a envie de se dire, je vais me mettre très près du trou noir et je vais regarder ce qui se passe. Sauf qu'en fait, quand on étudie ces particules détectées loin du trou noir, on se rend compte que c'est des particules de très basse énergie, c'est essentiellement de la lumière, et que la longueur d'onde de cette lumière est supérieure à la taille du trou noir. Donc se demander qu'est-ce qui se passe quand on est près du trou noir, ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où on peut pas localiser la particule en un endroit précis près du trou noir. Et donc ces calculs qui expliquent l'évaporation, en fait, ils sont extrêmement difficiles à décrire dans le langage courant, puisqu'on peut même plus raisonner en termes de particules bien localisées dans l'espace par rapport à un trou noir qui serait beaucoup plus gros. Donc c'est un problème assez subtil, et la façon dont Hawking a démontré ce résultat est assez compliquée. Mais on peut dire que quelques années avant que Hawking démontre ce résultat, on commençait à se demander si les trous noirs n'étaient pas des objets plus compliqués que ce que l'on connaissait. Parce que certaines des quantités qui décrivent les trous noirs, comme leur vitesse de rotation, leur masse, leur surface, présentaient une analogie curieuse avec un domaine complètement différent de la physique qu'on appelle la thermodynamique. Et donc on avait deux théories qui n'ont strictement rien à voir. La thermodynamique, c'est ce qui explique les machines à vapeur, c'est ce qui a permis la révolution industrielle, si vous voulez, c'est quelque chose de très concret. Et les trous noirs, c'est parmi les objets les plus abstraits qui puissent être, surtout à cette époque-là. Et de façon étonnante, les grandeurs d'un domaine semblaient être en analogie avec les grandeurs de l'autre domaine. Or, dans le domaine de la thermodynamique, vous avez la notion de température. Et donc, si cette analogie était pertinente, les trous noirs étaient susceptibles d'avoir une température. Mais pourquoi donc aurait-il une température? C'est-à-dire, pourquoi donc laisserait-il échapper du rayonnement, puisque on voyait pas comment c'était possible? Et alors, Nathalie de Ruelco, peut-être qu'il faut en passer légèrement pendant quelques secondes par un peu de vide quantique et de théorie quantique des champs pour expliquer ce rayonnement de Hawking qu'on peut expliquer à travers les couples particules-antiparticules en quelques mots. Oui, certainement. Mais je commencerai peut-être par aller abonder dans le sens d'Alain Riazuelo. Je parlais de cette école des Ouches de 72. Et c'est à cette école que les questions dont parlait Alain Riazuelo ont été posées. Stephen Hawking était là, ainsi que Jacob Bekenstein, qui lui était de l'école de Princeton. Et Stephen Hawking avait, parmi ses théorèmes mathématiques dont on a parlé tout à l'heure, avait montré que quand deux trous noirs interagissent, ou interagissent avec le milieu environnant, leur aire, leur surface, doit augmenter. L'école américaine avait plutôt compris ça sous forme de masse irréductible qui doit augmenter, selon les termes de Christodoulou et Ruffini. Donc quelque chose devait tout le temps augmenter. Et Jacob Bekenstein avait dit à John Wheeler, mais il y a quelque chose dans la physique qui augmente toujours, c'est l'entropie. Donc, est-ce qu'on pourrait pas... Seconde loi de la thermodynamique qu'évoquait Est-ce qu'on pourrait pas, exactement, c'est pour ça que je voulais abonder dans ce sens, qu'on peut associer donc à l'air une entropie. Et à cette fameuse école de 72, tout ce monde-là s'est crêpé le chignon parce qu'il y avait cette idée qui émergeait, mais d'un autre côté, les trous noirs étaient noirs. Et il fallait donc essayer d'associer une température, si c'était un objet thermodynamique. Mais un trou noir ne pouvait pas rayonner. Et l'école anglaise, y compris Stephen Hawking, a attaqué Jacob Bekenstein en disant « Non, ça n'est pas possible parce qu'un trou noir ne rayonne pas. » Ils se sont quittés là-dessus, mais Stephen Hawking, et c'est à mon avis sa plus grande contribution à la physique, de retour à Cambridge, a vraiment réfléchi à ça. Il est allé aussi en Union soviétique où il avait vu Zeldovich et l'école soviétique qui, eux, avaient déjà commencé à comprendre, comme l'a dit Alain, que les trous noirs étaient des objets peut-être un peu plus compliqués qu'on ne le pensait, et que lorsqu'ils étaient en rotation ou électriquement chargés, à ce moment-là, le vide quantique, dont on parlera tout à l'heure en termes de théorie des champs, pouvait claquer et créer des paires de particules-antiparticules à l'extérieur du trou noir, dans cette zone où la rotation, ça s'appelle l'ergosphère, et où la gravitation est importante. Et moi-même, quand j'étais à Princeton à cette époque-là, on travaillait là-dessus. Et la grande contribution de Stephen Hawking, ça a été de faire une synthèse de tout ça. Ça, c'est vraiment sa contribution. Et de dire, il y a une entropie. Il a raison, ce cher Jacob Bekenstein. Il y a une entropie. Ça marche avec mes théorèmes. Il y a du rayonnement. Les Russes et les Américains étudient ça. Et là, il a eu cette idée que le claquage du vide autour de l'horizon, et il a montré que les trous noirs, à ce moment-là, rayonnent comme des corps noirs. Et donc, ça fait cette magnifique synthèse où, pour la première fois, il y avait un mariage qu'Eddington aurait sûrement trouvé contre nature, entre la gravitation et la mécanique quantique, parce que c'est aussi ça. On va y revenir dans un instant, mais un mot peut-être, Marc Lachaiserey, sur ce claquage du vide que décrit très bien Nathalie de Ruelle. C'est ça le rayonnement de Hawking, c'est que à l'horizon des événements, les forces de marée sont tellement fortes que les couples particules-antiparticules se séparent. On peut le dire comme ça, bien entendu, c'est un peu une analogie, mais le vide quantique, c'est un état qui a des propriétés particulières, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vide, on a envie de dire c'est rien, il n'y a rien là-dedans. En fait, le vide quantique, c'est un état un petit peu comme les autres, c'est-à-dire il n'y a pas tant de différence que ça entre l'état qu'on appelle vide ou qu'on appelle plutôt état fondamental et les autres états. Mais les états de la physique quantique ont une particularité, c'est que selon qu'ils sont observés par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre, ces personnes ne vont pas les décrire de la même manière. C'est-à-dire, si je suis dans le vide, il se peut qu'un autre observateur, qui serait accéléré par exemple, voit cet état du vide, lui, comme un état différent, comme un état, par exemple, rempli de rayonnement. Et quand on parle d'accélération, c'est un petit peu la même chose que lorsqu'on parle de gravitation. Il y a quelque chose qui s'appelle le principe d'équivalence, un principe fondamental qui sous-tend la physique, qui dit que dans de très nombreuses situations, et c'est quelque chose qui a guidé Einstein, bien sûr dans de très nombreuses situations, les effets qui sont dus au fait qu'on soit en accélération sont analogue aux effets qui sont dus au fait qu'on est dans un champ de gravitation. Donc il y a une ressemblance. Voilà, la fameuse analogie d'Einstein d'une pièce fermée sans fenêtre, voilà, où on ne peut pas savoir si elle est accélérée, si on est sur Terre avec la gravitation ou dans une fusée accélérée. Exactement. Principe d'équivalence qui est tout à fait fondamental. Et finalement, ce vide, lorsqu'il est dans un espace-temps qui est courbe, ce qui revient à dire qu'il y a de la gravitation, eh bien, il a des propriétés que d'ailleurs on ne sait pas vraiment définir de manière rigoureuse. Et néanmoins, on peut faire des calculs qu'on va dire approximatifs ou dans une théorie qu'on appelle semi-classique, c'est-à-dire essayer de faire de la théorie quantique des champs dans un espace-temps qui a une courbure imposée par qui s'identifie à cette gravitation très intense. Et dans ce cas-là, comme le disait Nathalie, la notion même de particule devient quelque chose qui est assez mal défini. Mais quand on voit les choses de loin, cet état du vide, il se traduit comme si on voyait exactement un rayonnement thermique. Et une manière de le dire, effectivement, c'est que dans le vide se créent sans arrêt des paires de particules virtuelles, c'est-à-dire que de temps en temps, par exemple, il y a un électron, un anti-électron qui vont apparaître et qui, dans une situation normale, vont immédiatement se refondre et disparaître. Mais quand on est dans l'environnement d'un trou noir, le champ gravitationnel, ou la courbure de l'espace-temps, si vous voulez, c'est pareil, est tellement intense que quand il y a une paire comme ça, eh bien, il y a immédiatement un des deux protagonistes qui va être attiré, qui va tomber à l'intérieur de l'horizon du trou noir, et qui donc, l'horizon empêche qu'on sorte jamais, donc qui est perdu à jamais, l'autre va rester en dehors, et c'est comme ça qu'on peut donner une sorte d'image de ce rayonnement du trou noir. Un mot pour conclure sur cette partie et sur ce rayonnement de Hawking. On l'a dit, Nathalie Doruel vient de le dire, c'est aussi la première fois qu'un physicien mette en équation, réunit dans la même équation finalement, réunit en tout cas mathématiquement la relativité générale et la physique quantique. Voilà, et c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est imparfait, c'est-à-dire que ce phénomène d'évaporation, on ne sait pas le décrire quand le trou noir devient trop petit, mais dans la très longue histoire d'un trou noir, puisqu'un trou noir, même s'il s'évapore, il a une durée de vie immensément plus longue que l'âge actuel de l'univers, tout porte à croire que pendant la quasi-totalité de ce processus d'évaporation, les approximations des calculs de Hawking sont justes. Donc on peut pas en avoir la preuve, on n'a pas de trou noir dans notre voisinage dont on mesurerait la température, mais tout porte à croire que ce résultat est exact. Méthode scientifique, Nicolas Martin. Our greatest Vous ne rêvez pas, vous entendez bien Stephen Hawking parler dans un morceau de Pink Floyd. Le morceau s'appelle Talking Hawking, puisque nous parlons évidemment de Stephen Hawking tout au long de cette heure. Stephen Hawking qui est disparu ce matin à l'âge de 76 ans. Nous en parlons avec Nathalie Deruel, qui est directrice de recherche CNRS, membre du laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris Diderot et professeur affilié à l'Institut Yukawa de Kyoto. Nous en parlons également avec Alain Riazuelo, qui est astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, et Marc Lachiezeray, directeur de recherche CNRS, directeur émérite en astroparticules et cosmologie. Nous sommes en ligne depuis Toronto avec Hélène Mialet. Bonjour Hélène Mialet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe et anthropologue des sciences, professeur au département sciences et technologies de l'université York, donc à Toronto. Vous avez écrit À la recherche de Stephen Hawking, qui est publié chez Odile Jacob. Alors, on a beaucoup parlé de la première partie des travaux de Stephen Hawking. Vous avez notamment travaillé sur ce qu'on évoquait au tout début, c'est-à-dire cette figure de l'esprit désincorporé, tel que vous l'appelez, de Stephen Hawking, de cet esprit génial qui aurait été emprisonné dans un corps dysfonctionnel, incapable d'écrire lui-même ses équations, de ce pur esprit scientifique presque désincarné ou trop incarné, c'est selon. Et dans votre livre, vous expliquez précisément comment eh bien, cela a conditionné son travail et une partie de ses recherches. Oui, absolument. Ce qui m'intéressait, effectivement, c'est de voir en partie ce que Hawking représentait et également d'essayer de comprendre comment il pouvait travailler dans la mesure... Comme il a été mentionné au début de votre émission, il était très, très difficile pour lui de manipuler des équations. Et il parle très peu, il parlait très peu également. Donc ce qui m'a intéressé de voir, c'est comment il était capable de produire de la science, en fait, et comment il était possible pour lui de produire de l'abstraction. J'ai donc en fait regardé comment il interagissait avec ses étudiants, également comment il utilisait certains diagrammes. Il était mentionné au départ que tout se faisait dans sa tête, en partie, il mémorisait beaucoup de choses, mais il utilisait également des diagrammes, notamment les diagrammes de Carter-Penrose, qui ont été très importants pour lui, pour essayer de faire des shortcuts, comme il disait, avoir des intuitions sur ce qui se passait. Mais évidemment, ces diagrammes étaient dessinés par ses étudiants en partie, puisqu'ils ne pouvaient pas dessiner non plus. C'était une façon pour moi de montrer comment le corps du scientifique est important dans la production de la science. Et à nouveau, comment tout ne se fait pas dans la tête, mais en partie en dehors de sa tête, en utilisant bien sûr différents dispositifs et en travaillant en collaboration avec ses étudiants et ses collègues. Oui, parce que ce que vous expliquez dans ce livre, Hélène Mialet, c'est que, eh bien, finalement, Stephen Hawking, comme tout directeur de recherche, travaille avec ses étudiants, travaille avec une équipe, mais son handicap, sa maladie, ont poussé à l'extrême, justement, cette forme de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément comment il travaillait? Puisque même, comme vous venez de le dire à l'instant, parler, communiquer, lui prenait du temps, il lui prenait de plus en plus de temps, malgré ses machines et malgré le perfectionnement de ses machines. Oui, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que contrairement à cette idée, en fait, qu'il était complètement différent des autres à cause de son handicap, j'ai montré qu'au contraire, cela rendait visible ce que l'on ne voit pas en général, c'est-à-dire en fait que, effectivement, les chercheurs travaillent beaucoup avec leurs étudiants. La plupart du temps, les étudiants font des calculs. Donc, en gros, à nouveau, Hawking rendait visible ce que l'on ne voit pas. Et même la façon de travailler avec ces diagrammes, certains chercheurs disent qu'ils ont une façon de penser plus géométrique, analytique, c'est-à-dire que même utilisent des diagrammes de la même façon qu'Hawking le faisait, si ce n'est qu'il avait poussé ça à l'extrême à nouveau, puisqu'il ne pouvait pas dessiner, donc souvent il mémorisait ça. Et à nouveau, sa façon de communiquer était en fait, comme vous le mentionnez, très difficile, puisqu'il utilisait un ordinateur. Et il devait taper avec sa main. En fait, quand je l'ai rencontré, il tapait encore avec son doigt. Et puis petit à petit, il a perdu la capacité de faire ça. Et il était capable de le faire en bougeant sa joue, qui permettait en fait de sélectionner des mots sur son ordinateur. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous posez évidemment la question que vous venez de mentionner. Qu'est-ce que c'est que de produire de la théorie? Alors concrètement, comment est-ce que Stephen Hawking transmettait ses intuitions à ses équipes? Comment est-ce que il les confirmait? Comment est-ce qu'il les invalidait? Vous détaillez ça de façon assez minutieuse, assez précise dans votre livre, et c'est assez passionnant par ailleurs. Oui, j'ai essayé de montrer effectivement qu'en fait, à nouveau, au départ, ce qui m'a intéressé, c'est d'interviewer effectivement tous ces étudiants et de voir comment ils travaillaient avec eux. Et ce qu'ils disaient souvent, c'est qu'ils avaient des intuitions extraordinaires, ce qui, au départ, bien sûr, m'intriguait beaucoup, puisque ça veut dire que d'avoir des intuitions, comment les produire. Et à nouveau, j'ai essayé de reconstruire ce que j'appelle ce corps collectif autour de lui, c'est-à-dire effectivement comment ces étudiants étaient capables en fait d'apprendre à penser un peu d'une façon de la même façon que lui, c'est-à-dire justement à travers un travail diagrammatique. Et donc je suis allée en fait très en détail, mais la plupart du temps, ce que je montre à nouveau, qui est un phénomène d'exemplification, c'est-à-dire que très souvent, ces étudiants travaillaient pendant des mois essayant de résoudre des équations. Il revenait dans son bureau, il faisait des démonstrations au tableau, et souvent Hawking disait oui c'est bon ou c'est pas bon, et il repartait travailler. Donc ça posait cette question qui est toujours aussi assez fascinante, c'est-à-dire qui fait le travail au fond. Bien sûr, c'était Hawking puisqu'il avait ce travail qu'il faisait à partir de ce travail intuitif. Mais en gros, c'était aussi beaucoup ses étudiants qui mettaient en œuvre tout ce travail de démonstration autour de lui. Marc Lachaiserey. Bon. Oui, c'est extrêmement intéressant sur la manière dont fonctionne l'esprit des physiciens et des chercheurs en général, et peut-être d'ailleurs des artistes aussi, mais c'est que finalement pour un physicien ou un mathématicien, tout ne se réduit pas du tout à savoir faire des calculs, même à être très expert. Il faut avoir des idées, et les idées, on peut pas se dire sur commande, je vais avoir une idée. Ça vient comme ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition, et donc l'intuition joue un rôle primordial, et Einstein en a parlé aussi, et bien sûr, tous les physiciens, tous les épistémologues se demandent comment viennent les idées aux physiciens, mais les physiciens eux-mêmes se le demandent, et nous ne sommes pas capables de décider d'avoir une idée. Et ça doit venir comme ça, c'est l'intuition, et ensuite, évidemment, il faut avoir la capacité de l'exploiter. Nathalie Dorel. Oui, ce qui est magnifique, je trouve, dans cette personnalité de Stephen Hawking, je parle là de l'homme, c'est que c'était un grand physicien, il avait ces intuitions dont Marc Lachaiserey vient de parler, qui est commune à tous les grands créateurs, qu'ils soient physiciens, artistes. Poincaré, paraît-il, avait trouvé une solution d'équation en regardant des flamèches d'un feu de bois. Donc l'intuition vient pour ça. Si on est complètement paralysé, on les a, ces intuitions. Mais là, ce qu'il y a de magnifique dans l'histoire de Stephen Hawking, c'est que pour pouvoir exprimer ces intuitions, pour pouvoir ensuite les mettre en équation, il ne pouvait pas le faire tout seul. Et cette travail d'équipe avec tous ses élèves est quelque chose de très beau, parce que je n'ai jamais entendu une seule personne, un seul de ses élèves ou une seule de ses élèves dire « c'est moi qui ai fait le travail et pas Stephen Hawking ». Tous, c'était eux qui travaillaient comme des mois, comme nous venons de l'apprendre, mais autant que je sache, aucun d'entre eux n'a jamais dit que c'était lui qui avait fait tout le travail et pas Stephen Hawking. Parce que ces phrases qu'il émettait au bout de plusieurs minutes d'effort en tapant sur son ordinateur, ou en clignant des yeux. L'œil, etc. Au bout de 3-4 minutes, vous entendiez « yes oui. » ou alors vous entendiez « wrong ». Et ça suffisait. Et le travail se faisait comme ça. Oui, Marc Lachaiserey. Oui, peut-être on peut rapprocher ça de quelque chose qui se passe en ce moment. C'est qu'en même temps, il y a des gens qui créent des programmes de vérification de théorèmes mathématiques et de création de théorèmes mathématiques. Alors, justement, vérifier un théorème mathématique, c'est très compliqué quelquefois, quand il y a des théorèmes, justement, il y a des démonstrations qui font des fois 30 pages ou 40 pages, et maintenant, on commence à pouvoir les mettre dans un ordinateur, et l'ordinateur les vérifie. Et d'une certaine manière, on peut aussi imaginer qu'il y aura des programmes qui vont créer des théorèmes et puis ensuite les démontrer. Mais ça, on n'a pas grand espoir que ça amène à des mathématiques intéressantes, parce que c'est vrai que l'ordinateur peut formuler un théorème et ensuite vérifier s'il est vrai ou pas, mais il y a très peu de chances que ce théorème soit intéressant. Alors qu'un mathématicien qui baigne dans une communauté mathématique et dans l'histoire des mathématiques, s'il a une intuition et s'il va faire l'effort d'essayer de la démontrer, c'est que c'est une intuition intéressante. Et c'est ça qui est important. En physique, c'est un peu pareil. Hélène Miallet, vous vouliez réagir? Oui. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nathalie de la Ruelle. C'est que je pense effectivement que c'est un très très c'est très beau de voir la façon dont il travaillait avec ses étudiants, ce collectif à nouveau que j'ai essayé de mettre en scène, et ce travail à partir de l'intuition. Mais je pense qu'il y a aussi une partie en fait dont on ne parle pas, c'est-à-dire qu'il y avait aussi beaucoup de projections de la part de ses étudiants sur ce qu'il disait, puisqu'il disait très peu, et qui est un peu qui est vrai aussi pour d'autres domaines. Enfin, c'était un peu psychanalytique d'une certaine façon aussi, c'est-à-dire que comme on le disait, il disait oui ou non, et ses étudiants travaillaient beaucoup autour de ça pour arriver à interpréter ce qu'il disait, ce qui bien sûr n'enlève rien à ce que Stephen Hawking faisait, bien sûr, ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Mais à nouveau, de remettre en scène, pas simplement le génie isolé, mais de montrer, bien sûr, tout ce travail, ce beau travail collectif qui se faisait avec ses étudiants et avec ses collègues à Cambridge. Merci beaucoup, Hélène Miallet, d'avoir été avec nous. On ne vous garde pas plus longtemps depuis Toronto, où il est encore relativement tôt. Merci beaucoup. Je rappelle, à la recherche de Stephen Hawking, ce travail autour de Stephen Hawking, de ses façons de penser, de ses intuitions physiques. C'est chez Odile Jacob. Alain Ruiz-Violeau, vous vouliez réagir? Oui, d'ailleurs, Hawking lui-même était conscient que le fait d'être si bien entouré le servait parfois, c'est-à-dire que dans son livre Une brève histoire du temps, il raconte qu'un soir, alors que les infirmières s'affairaient autour de lui pour le sortir de son fauteuil et l'allonger sur son lit, bah lui, il continuait encore à réfléchir à ses travaux, et qu'il avait eu une intuition géniale précisément à ce moment-là. Et il disait, si j'avais été valide, bah j'aurais été occupé de plier mes affaires, et j'aurais peut-être pas eu cette idée, ou je l'aurais eu beaucoup plus tard. Donc, finalement, ce qui est remarquable, c'est qu'il est réussi à optimiser au maximum son handicap, ce que peu de gens, je pense, ont réussi à pousser à ce point comme il l'a fait. Pour reprendre un peu le fil de ses travaux, on a parlé du rayonnement de Hawking, de ses formalisations mathématiques autour des trous noirs et autour du Big Bang. Il y a quelque chose qui va être un peu, vraiment le but, ce vers quoi toute sa carrière va tendre. C'est ce qu'on appelle le GUT, la Grand Unified Theory, la théorie du tout, qui est cette marotte des physiciens. Alors, je ne sais pas s'il faut dire marotte, parce que c'est un terme bien faible, mais en tout cas, cette volonté de réunifier, cette obsession, voilà Marc Lachaiserais, c'est bien mieux l'obsession, cette mouche du coche, pourrait-on dire encore, bref, cette volonté en tout cas de tenter d'unifier enfin la relativité générale et la physique quantique, de comprendre aussi ce qui se passe dans ce qu'on appelle le temps de Planck, c'est-à-dire ces quelques milliardièmes de secondes après le début du Big Bang, à cet endroit où toutes les forces devraient être unifiées, la gravitation et les trois autres forces, cet endroit où plus rien ne s'applique. Comment Stephen Hawking a-t-il contribué à cette théorie du tout, Marc Lachaiserais? Bon, théorie du tout, moi, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, c'est lui qui l'a nommé, c'est le terme consacré. En fait, c'est quelque chose qui a été lancé par Einstein lui-même. C'est-à-dire, Einstein a été le créateur des théories de la relativité générale et un des contributeurs à la mise en place de la physique quantique. Et ces deux théories sont en fait plus que de théories, ce sont des conceptions du monde. Et le problème, c'est que ces deux conceptions du monde sont incompatibles, voire contradictoires. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la physique, pas du point de vue pratique, parce qu'on n'est pas confronté à des théories où cet antagonisme, on n'est pas confronté à des situations où cet antagonisme va nous empêcher de progresser, mais du point de vue conceptuel, ça ne marche pas du tout. Donc beaucoup de physiciens, et donc depuis Einstein, cherchent à harmoniser ces deux visions du monde, ces deux théories. Donc c'est ça qu'on appellerait, par exemple, une théorie du tout. Et une des voies qui est explorée, c'est par exemple essayer de construire une théorie de gravité quantique où la gravitation elle-même serait quantifiée comme les autres interactions. Alors ça, donc, ça fait un siècle que les physiciens cherchent ça. Hawking a travaillé là-dessus. Hawking n'a pas résolu le problème. Personne ne l'a résolu aujourd'hui. Les travaux continuent, peut-on dire. Mais les contributions d'Hawking, à la fois par ses travaux sur les trous noirs et par ses travaux autour du Big Bang, disons, apportent des éléments qui, comme l'a dit Alain, n'ont pas été démontrés de manière rigoureuse, mais qui sont des guides extrêmement importants dans cette recherche. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a une idée sur la manière dont on pourrait harmoniser ces deux théories, peut-être d'une gravité quantique, eh bien, immédiatement, il va essayer d'appliquer ça au problème des trous noirs, au problème du Big Bang, et voir s'il retrouve ce que disait Hawking, ou s'il retrouve autre chose, et puis le comparer, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Alors, pour résumer, il nous reste très peu de temps pour évoquer une théorie du tout pour laquelle il faudrait peut-être même pas une heure, il en faudrait bien plus que ça. Peut-être qu'on peut dire, Nathalie Deruel, pour donner une image à nos auditeurs, que finalement, ce que postule Hawking, et ça n'a pas été le seul, mais disons qu'il parle d'un temps imaginaire, d'un univers sans bord, c'est-à-dire qu'il dit finalement, bien quand on arrive au tout début dans ce temps de Planck, ben en fait, c'est se poser la question d'une mauvaise façon, c'est parce qu'il n'y a plus de temps. Donc s'il n'y a plus de temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement. Oui, il a développé dans les années 80 une théorie où le temps devenait imaginaire. Et que du coup, si j'ai bien compris ce qu'il faisait à cette époque-là, parce que maintenant c'est un peu tombé en désuétude, ça permet d'échapper à la singularité et de faire un univers où le temps et l'espace sont bien ronds. Et donc un univers bulle, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc un univers sans bord, et qui est là par sa propre vertu, et qui en plus n'a plus besoin d'être créé. Et comme il avait des idées très arrêtées sur Dieu, l'univers, la création, il en changeait d'ailleurs à ce sujet. Hein. Enfin, il avait toujours des idées très arrêtées dans un domaine ou dans un autre. Et à un moment donné, cette notion d'univers bulle, qui sont décrits dans les derniers chapitres de son livre « Une brève histoire du temps ». Absolument. Donc ce livre est magnifique, c'est un livre de vulgarisation extraordinaire, mais les derniers chapitres sont des chapitres difficiles à comprendre conceptuellement et sont toujours sujets à débat. Donc ça a été une idée très forte dans ces années 80, mais qui ont un peu changé parce que, enfin c'est la façon dont je vois les choses. Je parlais d'une école aux Ouches en 72, 10 ans plus tard, il y a eu deux écoles qui se sont suivies l'une après l'autre. Une première aux Ouches en 82 sur les ondes gravitationnelles. Et les gens qui étaient venus à cette école sur les ondes gravitationnelles n'ont eu que le temps de se précipiter à Cambridge pour un workshop, enfin un atelier, une conférence qui s'est appelé l'atelier de Nuffield, où tous les gens ont parlé de cosmologie et c'était le début de ce qu'on a appelé les théories de l'inflation. Mmh. Et Stephen Hawking a été un grand acteur dans ses théories de l'inflation. Et tout le monde, petit à petit, a abandonné cette idée d'univers bulle pour arriver à l'idée d'un univers multiple, avec des univers, des multivers partout, une autre vision de l'univers. Dont nous avions parlé ici même, je crois un peu avec vous d'ailleurs, Marc Lachaise, des univers multiples, on va parler du temps, tout ça. Pour conclure, Alain Riazuelo, sans revenir sur cet univers bulle, de cette image où finalement, au lieu de remonter à l'origine du temps, c'est un peu comme quand on arriverait au pôle Nord, finalement on est au Nord, mais on ne peut pas aller plus loin. C'est un peu ça l'idée de cet univers. Voilà, dans son livre, il dit se demander ce qu'il y a avant le Big Bang, c'est peut-être aussi absurde que se demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. C'est-à-dire que la notion qui est définie partout sur Terre de nord et de sud, ça marche plus au pôle. Et donc, il proposait cette analogie. Mais indépendamment de ce scénario-là, qui, comme on l'a dit, est un peu en désuétude, à l'évidence, Hawking était fasciné par cette idée de faire jaillir la pensée de Dieu d'une nécessité mathématique, comme il le dit dans son livre, et qui présente comme un but que doivent poursuivre les physiciens et quand il sera atteint, ce sera le triomphe ultime de la raison humaine, disait-il. Donc il y a un côté presque mystique dans la fin de son livre, Une brève histoire du temps, et qui sera sans doute décortiqué par les historiens des sciences qui, dans les décennies à venir, essaieront de comprendre qui il était vraiment. En tout cas, on vous renvoie vers cette brève histoire du temps de Stephen Hawking. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus évoquer les travaux scientifiques et la postérité de Stephen Hawking autour de cette table. Merci Alain Riazuelo, merci Marc Lachaiseret, merci Nathalie Deruel. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est décidément une coïncidence de plus, c'est la sortie de votre livre sur les ondes gravitationnelles chez Odile Jacob qui sort aujourd'hui, donc voilà, qu'on peut se procurer. Il se passe beaucoup de choses le 14 mars. En plus, 14 mars, ça fait 3-14, c'est le jour de Pi, dites donc, ça en fait du monde. Bref, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Jean-Guilain Meige aujourd'hui. Derrière la console à la technique, à la suite de vos aventures, vient dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire de la semaine, Artistes à l'œuvre, six créateurs au travail par Stéphane Bonnefoy et Anna Smuk. Tout à l'heure, le grain à moudre, Mayotte aux confins de la République, c'est la question qu'Hervé Gardet posera à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, demain, suite à l'hospitalisation d'un ex-agent russe et de sa fille, nous parlerons d'une histoire vénéneuse, celle des poisons. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.